Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Néfertiti, une reine du soleil. Le visage de Néfertiti, dont le buste trône dans un musée de Berlin, est aussi célèbre et mystérieux que celui de la Joconde. Visage parfait, long cou, pommettes hautes, grands yeux soulignés de kohl, bouche sensuelle au sourire énigmatique. On imagine le choc qu'a dû éprouver l'archéologue Borchardt, ou plus vraisemblablement l'un de ses ouvriers, quand un jour de 1912, sur le site d'Amarna en Égypte, est surgi de terre ce buste quasi intact de la grande épouse royale d'Akhénaton, après un sommeil de plus de 3000 ans. Si les origines de Néfertiti, comme les circonstances de sa mort, restent mystérieuses, son image, en revanche, est partout, sculptée ou gravée sur les parois des temples. Celle d'une mère, aux formes voluptueuses, formant avec le pharaon un couple amoureux et uni. Celle aussi d'une reine égyptienne, qui eut un réel pouvoir politico-religieux. C'est avec Néfertiti, en effet, qu'Akhénaton accomplit son incroyable révolution. Rejetant les divinités de leurs ancêtres, ils bâtiront ensemble la cité d'Amarna, vouée à un dieu unique, Aton, le soleil vivant. Une révolution qui se révélera aussi éblouissante que tragique. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Florence Quentin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes égyptologue et écrivain, vous venez de publier un livre sur Toutankhamon, le pharaon dont le tombeau a été découvert en 1922 et qui fait l'objet d'une grande exposition en ce moment à la Halle de la Villette à Paris. En première question, a-t-on aussi retrouvé la tombe de Néfertiti? Et sait-on aujourd'hui de manière certaine si elle est la mère de Toutankhamon justement? Alors, on n'a pas retrouvé sa tombe, à proprement dit. Elle avait été inhumée dans une première intention à Tell el-Amarna, donc l'horizon d'Aton, Akhetaton, la ville créée par son époux en Moyenne-Égypte. Elle a été réinhumée certainement dans la région de Thèbes, mais on n'a pas trouvé effectivement sa tombe. On a découvert une momie qui lui a été attribuée. C'est une des hypothèses. Et cette momie qu'on appelle la young lady, la jeune femme, pourrait être effectivement la mère de Toutankhamon. Donc, mais est-ce que Néfertiti était la mère de Toutankhamon? Alors, c'est une des hypothèses, des nombreuses hypothèses sur la généalogie de ce roi au masque d'or. Les analyses ADN montrent en tout cas qu'elle était la demi-sœur d'Akhenaton, ou peut-être sa cousine germaine, issue de cousins germains, ce qui fait un ADN assez proche de frères et sœurs. Et on est sûr en tout cas que cette momie est bien la mère de Toutankhamon. Mais est-ce Néfertiti? On n'a pas d'indication, si vous voulez, C'est assez compliqué, les généalogies, comme il y a finalement d'inceste. Enfin, il y a des liens un peu d'endogamie. Absolument, des liens d'endogamie. Et en plus, cette momie ayant été réinhumée à Thèbes, il n'y a pas d'indication en hiéroglyphe qui prouverait que c'est bien Néfertiti. Des hypothèses, en tout cas, fait que ça, c'est sans doute la mère de Toutankhamon. On dit souvent de Néfertiti qu'elle occupe une place à part dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Pour quelles raisons, Florence Quentin? Alors tout d'abord, comme vous l'avez dit en préambule, c'est ce visage qui est devenu une icône de l'Égypte ancienne dans notre imaginaire collectif. C'est l'incarnation de la beauté. Donc elle nous obsède par cette beauté intemporelle, ce sourire à la Mona Lisa, et également parce qu'elle est associée à cette révolution politico-religieuse, à cette rupture complète à la fois dans l'art égyptien et dans la religion de l'Égypte ancienne. Elle va être la parèdre, c'est-à-dire l'élément féminin divin, indispensable à ce nouveau culte d'Aton qui va suivre et accomplir même seul parfois les rites au disque solaire qui a été cette religion complètement donc en rupture avec l'ordre ancien qui va être imposée par ce couple. En l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence au XIVe siècle avant Jésus-Christ quand Akhenaton et Néfertiti quittent Thèbes, la capitale, à la recherche d'une autre capitale justement à bâtir. Où est-ce qu'on en est à cette époque de la civilisation égyptienne ancienne? Amenhotep IV, qui va devenir Akhenaton, il va changer son nom, est le fils d'un très grand pharaon qui est Amenhotep III et qui règne sur un empire extrêmement important à l'époque. C'est l'apogée de l'Égypte ancienne. Akhenaton Amenhotep IV donc va arriver sur le trône au moment où l'empire est à son apogée. C'est l'apogée au niveau des richesses qui affluent donc de tout l'empire vers Thèbes, mais également c'est une Égypte puissante au niveau de l'art. Effectivement aussi, on est à son apogée, c'est une Égypte très riche et très brillante. Florence Quentin, on poursuit cette discussion dans une trentaine de minutes, si vous le voulez bien. Tout de suite, Néfertiti, une reine du soleil, un texte de Charlotte Escamez, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Benjamin Habitant. Nous partons enfin. En remontant le Nil, nous trouverons où bâtir notre nouvelle capitale. J'ai choisi son nom, la cité d'Horizon. Rien ni personne ne pourra se mettre en travers de notre grand projet. La reine a promis de nous rejoindre dès que la ville aura commencé à s'élever. Elle est si imprévisible. J'ai cru un instant qu'elle allait monter à bord. J'ai bien vu le visage attristé d'Akhenaton lorsqu'il lui a dit au revoir. Mais ça y est, nous sommes partis pour de bon. La joie a vite pris le dessus dans le cœur du pharaon. Hélas, le vent ne s'est pas levé. Les rameurs peinent. C'est comme si tout cherchait à nous retenir. Thèbes s'efface enfin. Avant de partir, mon amour a changé son nom. Aménophis IV est devenu Akhenaton, celui qu'adopte Aton. Le soleil, notre dieu unique, attend qu'on lui offre la cité qu'il mérite. Qu'il est doux de s'en aller sur le fleuve pour te rejoindre. Regarde, je descends l'eau, je traverse les vagues. Quand ton amour est là, mon cœur est plein de force. L'eau aussi ferme que le sol. Bubastos est accroupi sur les cordages. Il prend des notes avec son petit singe Benk posé sur son épaule. J'ai envie de jouer avec lui. Allons-nous réussir à construire la ville de nos rêves ? 1369 avant Jésus-Christ. Néfertiti et Akhenaton quittent Thèbes à la recherche de leur cité d'Horizon, qu'on appelle aujourd'hui la cité d'Amarna. Néfertiti a bien cru ne jamais pouvoir épouser Akhenaton, à cause d'un mariage arrangé au dernier moment par son père avec une jeune princesse égyptienne. Finalement, la reine Tilly a rappelé Néfertiti et leur mariage d'amour a pu avoir lieu. Après quelques années de règne, Akhenaton et Néfertiti, qui vouent un culte au seul dieu du soleil, ont décidé de faire bâtir une nouvelle capitale sur une terre libre de toute attache. Mais le clergé voit dans ce projet un outrage à la vie religieuse traditionnelle, le polythéisme. Akhenaton est bien décidé à soumettre le clergé à l'adorer. Pendant 20 ans, Néfertiti, la grande épouse royale, va partager le pouvoir avec son mari. Sa détermination et sa puissance d'action vont en faire l'égal du pharaon. Des jours et des jours de navigation passent, à aborder et à jeter l'ancre sur les rives du Nil en quête d'une terre propice. Ce matin, Akhenaton est parti seul explorer la rive droite du Nil, là où se dressent les hautes falaises arabiques. Le voilà enfin qui revient vers le navire. Une journée entière que je scrute la plaine pour te voir revenir. Ça y est, j'ai trouvé. Viens, ma belle. J'attends ce moment depuis si longtemps. C'est ici que se tiendra notre cité. Comment en es-tu si sûr ? Ce grand cirque blanc et vide nous protégera des inondations. Ces falaises nous couperont des vents de sable. L'été sera moins torride qu'à Thèbes. Et regarde, sur les berges de l'autre côté, il y a une vallée fertile qui pourra être cultivée. Tout est comme dans ton rêve. Les premiers mots que je vais faire inscrire sur une stèle sont « Voici le lieu qui n'appartient à aucun dieu, à aucun prince. Voici le lieu de tous. Ici, le soleil emplira le pays de son amour. » Nous ne reviendrons jamais à Thèbes. Néfertiti, nous n'en avons plus besoin. Nous allons construire notre cité pierre par pierre. Et sur les murs, j'aimerais qu'on peigne des oiseaux, des poissons, des gazelles, des plantes luxuriantes. Je m'y vois déjà. Tu auras tout ce que tu veux. Au centre se tiendra le temple. Il n'aura pas de toit car la place du soleil n'est pas à l'ombre. La nuit arrive. Dormons à la belle étoile. Tu veux bien ? Akhenaton, tes bras sont tendres et tes lèvres douces. À l'aube, lorsque le soleil se lèvera, nous serons enfin chez nous. Nous aurons une grande lignée, de nombreux enfants, beaux et forts. Tu seras ma vivante, à jamais. Tu trembles ? Tu commences une crise ? Mais non, je tremble de bonheur et d'impatience. Dis-moi ce que je peux faire. Je te dis que ces tremblements n'ont rien à voir avec ceux qui me terrassaient à Thèbes. Jamais tu ne dois me voir dans cet état. Je suis ta femme. Rien en toi ne me répugne. J'aime chaque parcelle de ton corps, soit-il en proie à un mal inconnu. Le jour où tu m'as chassée parce que tu te sentais mal, je me suis sentie démunie. Ne t'inquiète plus pour moi. Si une crise vient, je ne lui résiste plus. J'ai appris à l'apprivoiser. Je m'inquiète pourtant. Dis-moi. C'est autre chose. Ton père, je le sais, n'a jamais entravé le pouvoir du clergé. C'est le dieu Amon et tant d'autres qu'il vénère. Pas Aton. Nous devrons protéger notre cité. Aton n'est pas encore le dieu de tous. Il reste des réfractaires. Je te promets de rester prudent. Dès demain, avec l'aide de Beck, nous délimiterons l'étendue de la ville et nous établirons ses plans. Nous aurons besoin du secours de tous les habitants. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai cru entendre quelque chose. Regarde les lumières. Là-bas, des barques approchent. Toute une flottille. J'entends les cris du lieutenant Oremeb qui les repousse. Nous leur avions demandé d'attendre. Qui sont-ils, des ennemis ? Non, c'est notre peuple qui nous a rejoints. Il est aussi impatient que nous. Allons à sa rencontre. Nous élèverons notre ville en briques crues. Il faut que les travaux aillent vite. Les mains qui tiennent le roseau devront aussi saisir la pioche. Le désert va devenir vivant. Les travaux de la cité d'Horizon vont durer presque 4 ans. Les travailleurs ont afflué par milliers de toute l'Égypte. Néfertiti et Akhenaton ont eu 2 filles. Le couple royal nage dans le bonheur. Néfertiti ne le sait pas encore, mais elle va mettre au monde une 3e fille, Ankès. En apparence, le peuple a fait allégeance au pharaon. Mais de nombreux seigneurs ne trouvent pas leur compte dans sa manière de régner, qui ne ressemble guère à celle de ses prédécesseurs. Les rebelles retournent à Thèbes et commencent à comploter. La reine Tilly avait promis de venir quand les travaux seraient achevés. Voilà des années qu'elle repousse sa venue. Accompagnée de toute sa cour, elle s'est enfin mise en route. Vient-elle pour rester ? Un palais et un temple ont été édifiés pour elle. Le couple royal attend beaucoup de sa visite. Notre rêve commun est devenu réalité. Je ne me lasse pas de contempler cette fourmilière qui s'agite devant mes yeux. La population est nombreuse. Les jardins luxuriants, des bâtisses à perte de vue. C'est ma ville, la mienne. Je suis de nouveau enceinte. Nos 2 petites filles, Meret et Mekès, sont adorables. J'espère que cette fois, je donnerai naissance à un fils pour assurer la succession. Mais mon mari semble comblé. Je l'entends. Il joue avec ses filles. Parfois, il le fait en public, c'est mal vu, mais nous nous en moquons. L'autre jour, je le tenais par l'épaule. Sa main était posée sur ma hanche. Il me serrait contre lui. Pourquoi cacherions-nous notre amour ? L'image divine du pharaon ne tient-elle qu'aux apparences ? Alors elle ne tient à rien. La reine Tilly et sa cour. Chers sujets, relevez-vous. Mère, nous sommes si heureux de vous accueillir dans notre cité d'Horizon. Chère reine Tilly, voici vos petites filles. Elles sont ravissantes comme leur mère. Et un 3e enfant que vous rencontrerez bientôt. C'est une joie immense que vous nous faites d'être là. Il n'est pas si facile d'arriver jusqu'à vous. Mais je suis très heureuse d'y être parvenue, croyez-moi. Mon fils, donne-moi le bras. Nous marcherons ensemble jusqu'à cette ville qui m'apparaît comme une lueur du ciel. J'ai tant de choses à vous faire découvrir ici. Nous allons passer par les jardins et suivre le sentier qui longe les bassins de lotus et les rivières à poissons. Nous nous arrêterons pour déguster du vin et des dattes. Je vais demander que les joueurs de luth nous accompagnent. Un programme digne d'une reine. Ensuite, nous vous ferons voir nos ateliers de peinture et de sculpture. Beck est un artiste incroyable. Vous serez conquise. Si vous le souhaitez, il pourra réaliser votre portrait. C'est lui qui a fait édifier notre cité. Sous les ordres de mon fils, j'espère. Oui, mère, évidemment. Nous donnerons un grand banquet ce soir en votre honneur. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Demain, je vous guiderai jusqu'à mon temple. Je vous réserve une surprise. J'ai hâte. Continuons à marcher. J'ai passé trop de temps sur le bateau. Votre palais vous attend dès que vous le souhaitez. Mon palais? Vous voulez me faire oublier Thèbes? Est-ce possible? On ne peut pas dire que tu sois à cheval sur le protocole. Tes sujets ressemblent plus à ta famille qu'à autre chose. J'ai aperçu des dignitaires mêlés à des représentants du peuple. C'est ainsi que tu comptes gouverner? Mes manières te surprennent, je sais, mais ce sont les miennes. À Thèbes, tu maîtrises tout. Ici, tu es dans ma ville, dédiée à Aton. Les règles sont différentes. Tu expliqueras ça à mon chambellan. Je le vois courir partout depuis une heure. Il a fait le tour des cuisines, de l'arrière-cour, il a inspecté toutes les tables. J'ai eu déjà 3 rapports. Rien n'est conforme au cérémonial et ça le rend malade. Que manges-tu, Nefertiti? Un délicieux canard, votre majesté. Avec les doigts? Très bien. Celui-là est pour moi. Délicieux. Oh, chambellan! Regardez-moi sa tête. Il n'ose même pas approcher. Venez vous joindre à nous. Le canard est délicieux. Vous nous avez tant manqué. J'ai l'impression que tu fais déjà partie de la cité d'Horizon. C'est mon souhait le plus cher. Depuis qu'Amenophis III n'est plus de ce monde, je dois bien admettre que je suis accablé de devoirs de toutes sortes. Il a toujours adoré chasser avec les nobles pour les satisfaire. Je ne m'adonne pas à ce genre de flatterie. De son vivant, ton père savait intriguer pour ne pas être trahi. Nefertiti, j'espère que tu veilles aux affaires diplomatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu as besoin des talents de ta femme. Tu as raison. Sans elle, rien de tout cela n'existerait. Sinon, en rêve. Il y a déjà fait allusion. Quel est ce rêve dont mon fils parle? Tout s'éclaircira pour vous demain, je pense. Allons nous reposer. Les petites se sont assoupies sous la table. La fatigue me gagne, en effet. Et j'ai hâte de dormir dans mon nouveau palais. Le lendemain, dès le lever du soleil, Akhenaton attend sa mère et son épouse. Il est seul dans son temple dédié à Aton. Il a congédié le prêtre. Il médite devant l'autel à ciel ouvert, la tête tournée vers l'astre solaire, comme s'il communiquait directement avec lui. J'ignore si la reine va apprécier la surprise que lui réserve son fils. Et s'ils se disputent? Et si Akhenaton fait une crise? J'ai peur que ça tourne mal. Si seulement elle restait vivre ici, nous serions bien tous ensemble. Mais alors, qui veillerait sur Thèbes, là où se terrent les traîtres? Je ne sais plus. Mon cœur se serre et notre destin se joue. Voilà ma nourrice. Je vais lui parler, elle saura me conseiller. Mon enfant, que fais-tu seule à déambuler au petit matin? Je n'ai pas fermé l'œil. Et toi, que fais-tu là? Tu connais mes habitudes de vieille femme. Tous les matins à l'aube, je me traîne jusqu'au bassin pour vivifier mes os dans l'eau pure. Et ensuite, je vais faire mes offrandes au temple. Il faut que tu m'aides, Seke. Dans moins d'une heure, le pharaon va recevoir sa mère au temple d'Aton. Et j'ai un mauvais pressentiment. Elle ignore à quel point Akhenaton est en communion avec son dieu. L'autre jour, par exemple, il a fait renvoyer le prêtre, car il avait pris l'initiative de répartir les offrandes lui-même. Akhenaton lui a dit « C'est moi, et moi seul, qui enseigne à mon peuple la véritable nature d'Aton. » Et après, il s'est muré dans une colère froide. Le rôle du prêtre est seulement d'entretenir le temple et de préparer le rite? C'est vrai, mais il s'est mis dans un tel état. Le pharaon sait se montrer patient. Mais quand il se sent offensé, il est intransigeant. Oui, mais... Il n'y a pas de mais. Tu veux toujours avoir raison. Nefertiti, tu es devenue la femme la plus puissante d'Égypte. Mais je te considère toujours comme ma fille. Et je te considère comme ma mère. Alors laisse-moi te parler franchement. Je me souviens de toi lorsque tu as perdu ta mère. tu venais de naître. Elle avait à peine 14 ans. La reine Tilly t'a recueillie. Tu as été élevée au palais d'Aménophis III, à Thèbes. Et lorsque tu as aperçu Akhenaton pour la première fois, tu devais avoir 11 ans, lui 10. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il était différent de tous les autres. Je l'ai aimé tout de suite. Je te courais après, car tu essayais tout le temps de le retrouver. Un jour, tu t'es échappé. J'ai compris que cet amour-là irait loin. Tu as toujours su ce que tu voulais. C'est vrai, Seki. Toi seul me connais vraiment. Akhenaton est un mélange étrange de sagesse et de folie. Parfois, le soir, nous nous échappions du palais et nous devenions des jeunes comme les autres. Akhenaton me parlait de ses rêves, de ses croyances, de la manière dont il voulait gouverner. Rien n'a changé en lui et rien ne changera, tu comprends. J'appréhende sa rencontre au temple avec Tilly. Tu dois le soutenir, quoi qu'il arrive. Il a besoin de toi, comme jamais. Tu as raison. Va, ma petite. Je t'apporterai des grenades et de la pastèque tout à l'heure. Merci, Seki. Votre Altesse, je vous accompagne. Merci, Nefertiti. Ta nuit a été courte. Tu allais très tirée. J'ai sans doute trop dormi. C'est par ici. L'allée des chapelles mène au sanctuaire. Akhenaton nous attend. Ces statues sont... majestueuses. Elles vous représentent, vous et votre époux. Les deux femmes de ma vie. Donnez-moi vos mains pour entrer. Et où est le rituel? Qui mène la cérémonie? Rien? Personne? Je ne vois rien d'autre que de l'encens qui brûle à ciel ouvert. Nous sommes là, avec Aton. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Mon fils, je n'envisage pas le rite de cette manière. Promets-moi que je serai enterré à Thèbes avec ton père. Je crois que... Promets-le-moi. Tu n'as que le silence à la bouche. Jure, mon fils... Tu n'as pas vu les deux magnifiques statues en entrant? Elles sont là pour accueillir Aménophis III et toi, sa reine. J'ai fait bâtir cette tombe royale en votre honneur à tous les deux. Mon rêve est de vous avoir près de moi, dans notre nouvelle capitale, ici même. Ma place n'est pas ici. Tu veux rester à Thèbes avec les grands prêtres? Qu'est-ce qui te prend? Essaie de comprendre ce qui se passe autour de toi. Les grands prêtres, nous devons composer avec eux. Tu ne vois pas que le peuple est divisé entre ceux qui n'ont pas renoncé à leur dieu et les fanatiques d'Aton? Des fanatiques? Alors qu'il n'est qu'amour? Comment expliques-tu que des tombes soient profanées pour écrire Aton? Je condamne ces agissements. Tu crois gouverner en laissant chacun libre de trouver sa voie. Mais tu te trompes. Ton peuple a besoin de repères et de fermeté. Tu incarnes la divinité. Ne l'oublie pas. Je ne supporte pas la violence. Elle s'impose parfois. Que veux-tu dire? Des traîtres rôdent. Les Hittites menacent de nous envahir. Tu as négligé tes devoirs de paix envers eux. Et méfie-toi du prince Aziru. Il se moque de toi. Mère, tu seras enterrée à Thèbes comme tu le souhaites. Je crois que je ferais bien de te laisser. Tu me fais peur, Akhenaton. Akhenaton, Nefertiti et Tilly sortent tous les trois du temple en faisant bonne figure devant la foule attroupée dehors. La reine a déjà pris la décision de quitter la cité d'Horizon dès le lendemain matin et de n'y sans doute jamais revenir. Elle prodigue ses conseils de mère, de stratège et met en garde Nefertiti, qu'elle considère plus diplomate que son fils, car des complots se trament contre le pouvoir. Le sculpteur n'a pas le temps de faire son portrait. La reine Tilly embarque au crépuscule, elle esquisse un léger signe de main en direction de son fils, son épouse et leurs enfants. Les voiles s'éloignent. Le couple reste figé un long moment avant de reprendre vie. Cette prestigieuse visite reste gravée dans tous les esprits. Les funestes paroles de la reine se dissipent déjà en volutes sur le Nil. Akhenaton veut faire réaliser des portraits des membres de la famille royale. Nefertiti pose longues heures dans l'atelier de Bec. Cette fois, le bras d'Akhenaton n'a pas frémi. Il avait l'air presque soulagé que sa mère s'en aille. Ti l'a défié en refusant d'être enterré dans le tombeau royal qu'il a fait édifier pour elle et son père. Je n'ai rien pu dire. J'ai seulement attrapé son bras et les yeux de Ti m'ont menacé. Elle a toujours eu du mal à supporter notre proximité. Mais j'ai tant appris d'elle. Peu après son départ, j'ai mis au monde ma petite Baquette. Une autre fille. Akhenaton est aux anges. Souvent, à bord de notre char, tous les deux enlacés, nous parcourons la cité pour saluer le peuple. C'est ainsi que nous gouvernons. J'ai presque 30 ans, et le pharaon m'aime comme au premier jour. Chaque matin, sur le papyrus, il écrit un hymne au dieu soleil qu'il me lit au crépuscule. Mais il est déjà tard. Je dois me dépêcher. C'est l'heure de ma séance de pause chez Beck. Ma reine, bienvenue dans mon humble atelier. Beck, ne fais pas tant de cérémonies. Nous sommes de vieux amis. Avant de commencer, je voudrais vous montrer les sculptures de vos filles. Je les ai terminées hier soir. Voilà Meret, Mekhet et Ankès. Et bientôt, je sculpterai Baquette. Elles sont splendides. Elles ont l'air si vivantes. Elles le sont, en effet. Enfin, je le crois. Mes filles ont tellement aimé poser pour toi. Elles étaient sages comme des images. C'est si rare. J'ai une arme secrète, je peux te le dire. Je leur avais promis à chacune un bon verre de lait d'anise et des biscuits aux amandes après chaque séance. Tu es rusée. Comme tu peux le voir, j'attends un autre enfant. Cher Beck, tu as encore du travail à venir. Félicitations. Votre portrait prendra d'autant plus de force que vous serez deux. Ma sculpture est bientôt finie. Tu ne me laisses rien voir. Mon bloc de grès a diminué. Vous vous verrez bientôt. Mettons-nous au travail. Oui, votre tête relevée ainsi, c'est parfait. Ton art est si réel, si nouveau, rien de conventionnel. Avant, les peintures et les sculptures étaient comme figées. Grâce à toi, les choses changent. C'est vous qui avez changé les règles. La perfection n'est plus le critère absolu de la beauté. Il fait chaud. Vous n'auriez pas à boire ? Bien sûr. Oui, j'ai de l'eau fraîche. Voilà. Bubastos doit nous rejoindre. Mon scribe aime tellement venir dans ton atelier. Tu sais, je l'ai entendu dire qu'il aimerait être immortalisé. Tu lui ferais cet honneur ? Évidemment. En attendant la fin de notre séance, il pourra m'aider à l'atelier. J'aime sa compagnie. Je le pense aussi. Je me tais et te laisse travailler, Beck. Bonjour, ma reine. Cher Beck, ne bougez pas. Je vais m'asseoir sur ce bloc de granit. Comme ça, je pourrai admirer le maître et son divin modèle. Très bien, Bubastos. Si tu le souhaites, on pourra faire ton portrait. Vous voulez rire ? Un de mes élèves serait ravi de réaliser ton effigie. Comme ça, avec ta palette d'encre à la main. Sur les genoux et mes calames entre les doigts ? Ou derrière l'oreille. Aurais-je droit à quelques belles musiciennes autour de moi ? Ce serait la moindre des choses. Majesté, votre fille est souffrante. Elle vous réclame, sa nourrice m'envoie vous chercher d'urgence. Malheur. Te voilà. La seconde jeune fille du couple royal, Mekhet, est emportée par une terrible fièvre. Elle décède à l'âge de 9 ans. Néfertiti et Akhenaton, jusqu'alors protégés dans leur cité d'horizon, ne semblent plus à l'abri. Une épidémie frappe la région. Un mal inconnu décime bon nombre d'enfants. Néfertiti est retombée enceinte. Cette nouvelle grossesse est difficile car son chagrin est encore immense. Akhenaton est comme absent au monde. Il est accablé par de nouvelles menaces sur son royaume. Les Hittites, avec lesquels il n'a pas su maintenir une amitié pacifique, gagnent du terrain. Ils atteindront bientôt ses frontières. La reine Tiyi avait tenté de l'avertir de la haute trahison du prince rebelle, Aziru, qui traite avec les Hittites tout en correspondant avec son suzerain, le pharaon. Mais ce dernier est resté indifférent à ses conseils. Me voilà mère pour la sixième fois. C'est horrible à admettre, mais je ne voulais pas de cet enfant. Je me suis pourtant si vite attachée à elle. Cette épée est magnifique. Enterrer Mekhet fut la pire épreuve de ma vie. Seké m'a soutenue du mieux qu'elle a pu. Akhenaton s'est réfugié dans son temple. Il ne se lamente jamais, il reste mutique. Sa vie est meurtrie, la mienne aussi. Peu à peu, nous essayons de reprendre pied. Cette statuette de toi, ma fille disparue, c'est tout ce qui me reste. Ce petit corps en pierre sculpté par Bec, je le serre contre moi. J'entends encore tes rires qui égayent le palais. L'image de toi, inerte et rigide, étendue sur le grand drap blanc, est gravée dans ma mémoire à jamais. Ma chérie, avec ton père, nous te pleurons chaque nuit. Nous sommes pourtant obligés de continuer à régner. L'Égypte est fragilisée par de grands soulèvements. Il faut agir et vite. Je refuse d'entrer en guerre. Plus on attend, plus ce sera terrible. La vengeance engendre la vengeance. C'est sans fin. J'ai été trahi par le prince Aziru. La haine nous entoure. Mais la vie n'est-elle pas plus précieuse que tout? Faut-il envoyer des hommes se faire massacrer? Depuis 15 ans, j'ai tout fait pour gagner la paix. Bien sûr, et je t'ai toujours approuvé. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Et pourquoi? La confiance doit nous guider. Oui, elle le doit. Pourtant... Cesse de me contredire. Je vais aller prier. Mais tu en reviens! Aton m'apaise, pas toi. Tu es injuste. Je voudrais que les hommes soient enfin soudés, qu'ils cessent d'être atteints par l'envie de faire couler le sang pour devenir puissants. Mon temple me protège un peu. Là-bas, le temps glisse et la solitude atténue ma souffrance. Laisse-moi t'accompagner. D'accord. Viens avec moi. Mon enfant, c'est toi? C'est qui? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais mourir. Reste près de moi. Qu'est-ce que tu racontes, nourrice? Elle sent l'appel d'Aton. Je le lis dans tes yeux. Pharaon, tu as raison. Je vais vous quitter. Mais je reviendrai souvent vous voir. Je partagerai votre table et je respirerai le bon air parfumé de dattes. Que dis-tu? Je n'ai pas peur. Les lions, les crocodiles et toutes les chimères de l'au-delà, je saurai les combattre. Je n'ai pas peur d'eux. Tu es si forte, Maseké. Tu ne peux pas partir si vite. Je n'ai pas fait de mal dans ma vie, mais ça a dû arriver sans que j'y prenne garde. Je n'ennuierai pas Aton avec ça. Il a assez à faire. Tu es sage, Seké. Il saura t'écouter. Et je saurai ne pas l'importuner. Oh, Seké! Seké! Seké! Elle est partie. Radieuse comme elle l'était dans la vie. Garde! Venez nous aider! Si la mort pouvait être aussi douce pour chacun d'entre nous, Seké! Je donnerai une cérémonie en son honneur dès demain. Majesté, un messager vient d'arriver. Nous sommes envahis par les troupes d'Aziru. Seul l'extrême sud du pays reste en sécurité. Je veux entendre mes ennemis. Que leurs messagers viennent me parler. L'espoir de la paix doit nous guider. Bubastos, prends en note tout ce qui se dira aujourd'hui. Grave l'histoire, elle se joue devant nous. À vos ordres, Majesté. Si je disparais, Nefertiti, tu devras protéger notre cité. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a que toi qui puisse le faire. Je serai là. Fais-moi confiance. Des ennemis ont été arrêtés. Seront-ils exécutés? Ici, la justice existe. Note-le, scribe, et répète-le à qui veut l'entendre. Oui, Majesté. La reine Tilly est morte! La reine Tilly est morte! Quel racontard fais-tu? Qui es-tu et d'où viens-tu? Des dignitaires de Thèbes viennent d'arriver, je les devance. Si tu mens, tu mourras. Un an plus tard, en 1355 avant Jésus-Christ, la reine Tilly est morte. Selon son scribe, c'est tout, présent dans ses derniers moments, la reine était agitée et marchait de long en large dans ses appartements. Quelques proches étaient à ses côtés. Sentant sa fin approcher, elle s'est mise à prodiguer des conseils à Nebkéré, prince de 15 ans prétendant au trône. elle n'a pas eu un mot pour son fils Akhenaton. Une première attaque l'a assaillie, puis une seconde, fatale. Affaiblie par la mort de sa mère, l'avancée des Hittites et les traîtres du clergé, Akhenaton a ordonné à Néfertiti de demeurer dans son château, à l'autre bout de la ville. Veut-il la protéger des complots ? Nebkéré doit épouser Ankès, la troisième fille du pharaon, afin de renforcer la dynastie fortement ébranlée. Isolée et enfermée, Néfertiti est dans l'incompréhension. Le fidèle Bubastos devient son seul interlocuteur. Akhenaton, il m'a fait enfermer dans ce château. Nous ne dormons plus ensemble. Nous sommes comme deux fantômes l'un pour l'autre. Quoi que je fasse, n'abandonne pas la cité. Des mots résonnent dans ma tête. Je sais que tu me caches quelque chose. Je sais que tu as des raisons de m'éloigner. Les grands prêtres chuchotent. Tu me tournes le dos alors que tes yeux semblent me supplier de te comprendre. Ce matin, tu t'es embarqué pour Thèbes pour assister aux funérailles d'un des membres de la famille royale. Tu ne m'as pas prévenu, mais je l'ai appris. Qu'est-ce que je vais devenir ? Votre Majesté, je dois vous annoncer une sombre nouvelle. Qu'est-ce qui pourrait m'assombrir encore ? Akhenaton est mort. Quoi ? Il n'a jamais atteint Thèbes. Parle ! J'ignore si c'est un piège ou un accident. Mais parle ! Sa mort fut-elle violente ? A-t-il été assassiné ? Les bouches restent scellées. Akhenaton mort ? Je l'ai vu il y a 2 jours sans savoir que c'était la dernière fois. Je ne sais rien, ma reine. J'en suis désolé. Il était tout pour moi. Ces mystérieuses paroles me hantent. Il a rejoint le soleil. Il est en paix. Que va-t-il se passer maintenant ? Général Horemheb va accompagner Nebkéré pour son intronisation. Il s'appellera Toutankhaton. Je suis sûre que les grands prêtres vont profiter de la mort d'Akhenaton pour rétablir le culte d'Amon. Mon mari est mort et je suis seule à régner sur la cité. Akhenaton l'avait prédit. Mais jusqu'à quand ? Néfertiti espérait que le nouveau couple royal, Toutankhaton et sa fille Ankès, allaient régner sur la cité d'Horizon, comme elle l'avait fait avec Akhenaton. Ses espoirs ne seront malheureusement pas exaucés. Toutankhaton devient rapidement Toutankhamon, celui qui adore Amon. Thèbes reprend sa suprématie et le jeune couple abandonne la cité d'Horizon. Le pharaon règnera 7 ans. Horemheb finit par s'emparer du pouvoir. Il fera détruire la cité d'Horizon en veillant à laisser Néfertiti sauve au milieu du désastre. Mon plus grand châtiment fut d'assister à l'anéantissement du rêve d'Akhenaton et du mien. J'ai pourtant veillé jusqu'au bout sur ma cité. Je ne l'ai pas abandonnée. J'en avais fait la promesse. Akhenaton, je revois le jour où nous sommes arrivés ici. Il n'y avait rien d'autre que le désert, comme aujourd'hui. Aton brille toujours pour moi. Néfertiti, une reine du soleil de Charlotte Escamez avec Néfertiti, Yuna Noiret, Akhenaton, Guillaume Mika, la reine Tilly, Catherine Hirsch, Seke, Bernadette Le Sachet, Bubastos, Barthélémy Méridjan, Beck, Maxime Dambrun, le messager, Valentin Capron, bruitage, Benoît Fèvre, prise de son, montage et mixage, Cédric Chatelus et Dali Yaya, assistante à la réalisation, Claire Chéneau, réalisation, Benjamin Habitant. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Néfertiti et Akhenaton avec mon invitée Florence Quentin. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. You take a take and you will get what you get. And you make and you pretend what you get. You never take time. No, you'll never take mine. But if you don't, you you will be getting, you'll be getting again. If you don't, you will be getting, you'll be getting again. If you don't, you will be getting, you'll be getting again. And what you won't be on time. You get what you get. You never listen beyond the time. And on the street they're all talking about the things you should listen. And on the news they're always excusing. And when you tell your friends what you think you have, you know there's nothing like time. Get de Cat Power sur France Inter, autant n'emporte l'histoire, réalisé par Lauriane Toulmont, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Alexandre Chenet. Florence Quentin, est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui sur les circonstances de la mort d'Akhenaton et Néfertiti, et puis bien sûr de la chute de la cité d'Amarna? Eh bien, on pense effectivement qu'il y a eu cette pandémie de peste qui sévissait dans tout le Proche-Orient et qui a véritablement ravagé toute la famille royale. Ça a commencé par des petites princesses, donc qui sont mortes les unes après les autres. Il n'en est resté finalement que deux, Meritaton, la sœur aînée, et Ankh-Renspa-Aton, que va épouser donc le futur Toutankhamon. Et puis, certainement que Ti est morte de vieillesse, et ensuite Néfertiti, puis Akhenaton, ont certainement été emportés par cette pandémie de peste. Et quant à la cité, dès que l'atonisme s'est effondré, dès que la cité a été progressivement abandonnée, et elle a été donc abandonnée de ses habitants, et plus tard, elle a été complètement détruite, démontée, parce qu'il fallait effacer ces traces de ce qu'on considérait être une hérésie. Le couple royal a très vite été considéré donc comme des renégats, des hérétiques dans l'histoire égyptienne. Comment expliquer que ce culte n'ait pas survécu à Akhenaton et Néfertiti? Est-ce qu'il était tellement lié à la personnalité de ce pharaon et de la reine? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est très attaché à leur personnalité, parce que cet atonisme a été un traumatisme profond pour les Égyptiens. Imaginez qu'on leur a interdit de poursuivre les cultes qu'ils aimaient, c'est-à-dire qu'il y avait un peu comme les saints dans une église donc du 19e siècle. Chacun choisissait parmi ce panthéon la divinité avec laquelle il avait le plus d'affinité. Il y avait de petits autels dans les maisons, et soudain on leur dit tout ça n'existe plus. Il y a cette phénoménologie, c'est-à-dire ce culte du soleil que vous voyez, c'est-à-dire sa manifestation. Tout ça est très abstrait, et surtout on a interdit au petit peuple de continuer donc ce dialogue avec sa divinité favorite. Et on pense que ça a été profondément traumatisant pour le peuple égyptien, également parce que c'est présenté cet atonisme souvent dans les textes, le grand hymne à Aton, qui est quelque chose de très beau dans la littérature égyptienne, comme une révélation qui a été faite au roi, une sorte de prophète. Oui, donc c'est quelque chose de très personnel, de très intime qui lie Aton à Akhenaton. Akhenaton, à un moment dans la fiction, semble malade. Est-ce qu'il est épileptique et même est-ce qu'il a une maladie, peut-être même une forme de folie? Alors évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre. Ça a été créé à partir du physique tout à fait singulier de ces statues qu'on appelle des colosses osiriaques qui étaient à Karnak. Donc on le voit déformé, cette allure féminisée, on va dire même androgyne. Oui, il a des hanches assez larges, ce pharaon. Voilà, hanches très larges, des seins, une ébauche de seins, une taille très fine, des cuisses très larges, parce que il incarne Aton, qui est à la fois le père et la mère de l'humanité. Donc le corps devient androgyne. Il y a une abolition des genres, il n'y a plus de genre. Néfertiti, Akhenaton sont figurés avec le même corps, c'est très étonnant. Mmh. Et puis c'est un style qui est le style hiératique, qui était basé sur des lignes droites très rigoureuses et va être abandonné au profit d'un style fluide, très dynamique. On voit les corps sont sinueux parce qu'ils incarnent effectivement tout un programme théologique. Il s'agit de montrer que le disque solaire, qui est donc incarné par ces corps, est à la fois père et mère de l'humanité. En réalité, on ne sait absolument pas s'il était malade. On a aussi pensé qu'il avait toutes sortes de maladies glandulaires, mais à l'analyse de sa momie, il avait un corps tout à fait, alors sans doute assez frêle, mais tout à fait normal. Vous parliez justement de cette apparence physique. Néfertiti, on en parlait aussi, ce buste, ce fameux buste qui montre une femme extrêmement belle, aux traits extrêmement réguliers. Est-ce que cette beauté était, à votre avis, réelle ou est-ce que c'est une forme de fonction idéologique donnée à la beauté, justement, et à la femme, à la reine ? Alors, en réalité, elle était sans doute assez belle, cette femme, hein. Mais c'est la représentation, une fois de plus, de la belle idéale telle qu'elle est dépeinte dans la littérature amoureuse, par exemple, de l'Égypte ancienne. On dit celle à la longue nuque, à la chute de rein alanguie, à la taille étroite. C'est ainsi qu'on définit la beauté idéale de l'Égypte ancienne. C'est ce que représente ce buste. Mais il y a eu des recherches qui ont été faites sur ce buste, qui est quand même sublime, il faut le dire. Et Rolf Krauss, par exemple, a montré que il est peu réaliste et qu'il a été complètement construit, artificiellement construit. Donc il est sculpté dans le calcaire, il y a ce plâtre qui est enduit pour rendre les traits plus subtils, mais il a placé donc ce buste sur une grille et il a montré que tout ça a été construit pour idéaliser complètement cette reine. Là aussi, il y a, tout, comme vous le disiez, tout un programme, toute une idéologie qui est montrée, car ce buste était censé, ce modèle était censé être diffusé dans toute l'Égypte. Puisqu'il n'y a plus de divinité que l'on voit, qui sont visibles, excepté ce disque solaire et son émanation avec ces lombras-là qui donnent la vie avec des croix de vie, eh bien il faut bien que le couple solaire, si je puis dire, que le couple royal incarne les divinités par ses propres traits. Donc cette image d'un couple uni, amoureux, sensuel, presque égalitaire, on oserait dire, aussi d'un père et d'une mère qui aiment leurs enfants, c'est une image qui a été décidée pratiquement dans l'art de l'époque, où vous pensez qu'elle correspond aussi à quelque chose de nouveau dans le règne de Néfertiti et Akhenaton? Alors il y a deux éléments qui me semblent importants, c'est qu'à la fois Néfertiti va avoir un rôle qui est un peu unique dans l'histoire égyptienne. On connaît effectivement des reines pharaons qui ont régné de plein droit, comme Hatshepsut, ou comme la fille de Néfertiti et d'Akhenaton, qu'on appelle Meritaton, qui va régner comme une reine pharaon. Mais à côté de cela, eh bien les reines sont souvent suivent le roi. Hein. Elles sont des parèdres, elles vont faire les rites à côté du roi. Et chose exceptionnelle, on va trouver des représentations de la reine Amenemhotep qui accomplit ses rites seule et parfois accompagnée de Meritaton, sa fille aînée. Donc elle a un rôle, on va dire politique, on ne sait pas, ou diplomatique, on ne sait pas, mais en tout cas théologique, très important, de premier ordre et unique dans l'histoire égyptienne. Et ce qu'on montre du couple, effectivement, c'est une ritualisation de la vie du couple. On les voit mangeant, on les voit se lavant, s'habillant, et même on les voit au pied du lit, ils sont prêts à rejoindre la couche nuptiale pour s'unir. En réalité, ce quotidien est devenu le rituel divin. Il n'y a plus de divinité visible, et ce couple est lui-même l'expression d'une divinité manifestée. Est-ce que ce monothéisme d'Akhenaton rimait avec une monogamie ? Est-ce qu'il avait d'autres épouses ? Alors, non, absolument pas. C'est un mythe romantique. Une fois de plus, on les voit s'enlaçant, parcourant Arétaton sur un char, tel deux soleils, deux amoureux. Alors là aussi, peut-être que des liens très intimes et très amoureux les liaient, mais tout roi d'Égypte avait un harem et il avait également une grande, non pas une grande épouse royale, il n'y en avait qu'une, c'était elle, mais une grande favorite qu'on appelle Kia et à qui il a même fait construire un palais dans la ville d'Akhetaton. On dit souvent que le culte du dieu unique, Aton ou Aton, le dieu solaire, annonce les trois grands monothéismes, judaïque, chrétien puis islamique. Est-ce que c'est déjà une forme de monothéisme, ce culte d'Aton ? Alors, cela aussi, c'est très discuté. C'est une forme de monothéisme, effectivement, il y a une radicalisation. Et puis, il a quelque part, Akhenaton, parfois, il est vu un peu comme un idéologue. Il va faire fermer de manière extrêmement violente, détruire les statues, détruire le nom d'Amon sur toutes les représentations où il est figuré. Et même sur le nom, dans les cartouches de son propre père, il va faire marteler le nom d'Amon. Vous voyez, c'est quelque chose qui ressemble un peu à l'affirmation d'une idéologie extrêmement radical. Donc Akhenaton va imposer ce monothéisme qui est quand même très égyptien puisqu'il est assimilé à un cosmothéisme, c'est-à-dire qu'il y a une forme de manifestation naturelle de l'astre sur la terre qui dispense ses bienfaits à la création. Mais ce qui est tout à fait étonnant tout de même, c'est qu'on retrouve dans les psaumes, dans la Bible, le psaume 104, c'est une décalque presque mot à mot de ce grand hymne à Aton qui est bien sûr beaucoup plus ancien. Après la chute d'Akhenaton, la cité d'Amarna a été abandonnée, Thèbes a repris sa place de capitale. Est-ce qu'on peut aujourd'hui visiter Amarna ? Il reste des ruines ? Alors, elle a été complètement rasée, on peut dire. Il y a quelques tombes qui sont encore très belles, elles sont assez dégradées hélas, où on voit encore ces représentations uniques dans l'art égyptien, on voit encore les courtisans du roi, on peut encore voir ces tombes royales, il ne reste pas grand-chose, et puis il y a les arasements de ces temples extraordinaires, parce que c'était dans des temples à cour ouvertes, c'est la première fois que le dieu n'est pas caché dans son sanctuaire, comme Amon le cachait dans le secret donc de ces sanctuaires sombres, et là on a encore les arasements sur le sol de ce grand temple qui faisait plus de 700 mètres de long. Alors on imagine un peu la somptuosité de ces lieux de culte. Et puis le lieu est tout à fait enchanteur. C'est au bord du Nil, dans un cirque rocheux en Moyenne Égypte, donc à 300 kilomètres à peu près de la Louxor actuelle. Et c'est un endroit où on comprend que Akhenaton et Néfertiti aient voulu créer une ville du soleil. On sent que vous aimez cet endroit, Florence Quentin. Merci beaucoup, ça donne envie d'y aller. Vous êtes l'auteur de « Dans l'intimité de Toutankhamon » paru chez First Edition. Et je rappelle bien sûr que l'exposition « Toutankhamon, le trésor du pharaon » est visible à la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 15 septembre. À lire également l'excellent hors-série du Figaro consacré à Toutankhamon avec des articles passionnants sur Akhenaton et sur Néfertiti. Et merci à France Bleu Héros. Autant en emporte l'histoire est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, changement de décor, nous enfilerons la salopette pour nous envoler dans les airs en compagnie d'une sympathique et talentueuse aviatrice, l'américaine Amelia Earhart, frimousse blonde, qui dans les années 1920-1930 fut une championne de l'aviation féminin. L'aviatrice Amelia Earhart, c'est dimanche prochain dans Autant en emporte l'histoire. Mais tout de suite, bien sûr, après le flash, vous avez rendez-vous avec Édouard Baird, Lumière dans la nuit. Très bonne soirée sur France Inter.